بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامة الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. Donc après avoir évoqué أقسام الإعراب أنه أربعة, بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يفسر ونعم يفصل في هذه الأقسام. فبدأ بالرفع. تمام. Ils ont, il a commencé par le raf. Parce que c'est le, il dit c'est l'asl dans les arabes. Et certains ont dit, on a commencé par le raf, لأنه المرفوع, يعني الشيء المرتفع. Il est plus élevé que le mansoub et l'akhirih. C'est ce qu'ils ont évoqué. Mais si jamais une personne vient, elle commence par le nasl, يعني, c'est pas un problème. Lakin, ils ont cherché le pourquoi du comment. Pourquoi ils commencent, les nuha, lorsqu'ils commencent à évoquer aqsam les arabes, يبدأون بالرف. قالوا لأنه مرفوع. تمام. أي أرفع من النصب والجر والجزم. هذا ما قالوا. تمام. على كل حال, قال المؤلف رحمه الله تعالى كعلامة الرفع. كم تفهم pour reconnaître une كلمة كمرفوعة؟ إلى إذا دوني كاتس كي نعم علامة pour cela. La dhamma, le waw, le alif et le nun. تمام. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالضمة, لأن الضمة هي الأصل في الرفع. الأصل في الكلمة المرفوعة سكال المرفوعة بيش بضمة. تمام. إلى علامة كي سون أبخاء الواو الألف والنون سون دي علامة كون أبل فرعية. تمام. فرعية سي سكي نعم ديكول جو أصل. تمام. تالأصل الفرع. فقال الضمة والواو والألف والنون. فالكلمة المرفوعة على كت علامة إبا خمسة. تمام. الضمة الواو والألف والنون. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. دونك الضمة أسقى علامة للرفع في أربعة مواضع. دونك 4 comment s'appelle 4 mots plutôt dans 4 كلمات. تمام. في أربعة مواضع: في الاسم المفرد, والمراد بالاسم المفرد الذي ليس بجمع تام ولا مثنى. ما معنى الاسم المفرد؟ الاسم الذي ليس بجمع ولا مثنى. C'est le اسم qui n'est pas, c'est pas un pluriel et ce n'est pas كذلك un duel. تام. مثنى c'est le duel. تام. C'est-à-dire que ça peut être un mufrad معرف, مثلا محمد. Est-ce que Muhammad c'est un duel ou bien c'est un pluriel? Là. Donc c'est quoi? C'est un ism mufrad. Aminatu. Est-ce que c'est barakallahu fikum un ism mufrad? Naam. Pourquoi? Parce que la yadul ala al-jam wa kadhalika la yadul ala ash at-tathniya ala al-muthanna ou duel. Donc tout ce qui indique tam, le singulier, que ce soit féminin ou masculin, on appelle ça quoi? Ism mufrad. Tam. Ism mufrad. Fa l'ism mufrad مثلا محمد. تمام. محمد هو اسم مفرد. مفرد هو singulier. نعم. هو singulier. تمام. مفرد هو singulier. لكن eux ils évoquent ça parce que c'est en français. لكن nous, inshallah, on va essayer de diminuer le français petit à petit. تمام. Donc on va pas dire singulier, on va utiliser مفرد. تمام. On sait que c'est singulier. La définition de مفرد en français c'est singulier. تمام. لكن c'est mieux d'apprendre ces mots-là qui sont مفرد que dire singulier. Ça va t'aider beaucoup au niveau de la compréhension de la grammaire. تمام. Mais si jamais on se met à apprendre au niveau de comment ça s'appelle avec la le français, avec les définitions françaises, ça n'a pas trop de faïdat. Mais c'est pas mal d'évoquer au niveau de pour la compréhension, pour la traduction. L'ism mufrad, c'est le mot qui est singulier. Mais ma ma'anahu fi inda an-nuha qalu al-ism mufrad ma la yadul ala at-tathniya wa la kadhalika ala al-jam'. C'est le mot qui n'indique pas le duel ni kadhalika le pluriel. Muhammadun, c'est quoi? Ism mufrad. Aminatu, ism mufrad. Donc ces asmala, ils sont marfoua. Bi'esh, marfoua'atun bid-dhamma. Tu trouveras ces mots-là, marfoua avec une dhamma. Al-ism mufrad, ici les marfoua, c'est avec une quoi? Une dhamma. Tamam. Ahmadu, avec une dhamma. Tamam. Ila akhirihi. Qala wa jam' al-taksir. Wa ma'na al-jam' al-taksir ma taghayyara bina'u mufradi. C'est celui dont son singulier, tamam, plutôt son pluriel, il est différent de son singulier. Tamam. Mathalan, بيتون. تام بيتون سان اسم مفرد. بوكوا لا يدل على التثنيه وكذلك لا على الجمع. تام سون بلوريل سي كوا بيوت. كومون اون ابل سو جور دو بلوريل لا ايز ابل جمع تكسير. بوكوا باسكو سون مفرد الى شانجي. تام لورسكون ا مي او بلوريل نون روتروف بلو لو بلوريل دو بلوريل او كومون سابل او سينغولير